Beta Coco. Ochikalo la polele, atana eba mbala sambo, na Beta Coco. Serviteurs, les anciens, les pasteurs, les diacres, les diaconesses, le chant très haut Dieu. Que ta main, Seigneur, soit sur eux, les intercesseurs, les évangélistes, Père éternel, sur tous les serviteurs, les saints. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Souviens-toi d'eux. Je n'ai jamais vu un homme te chercher. Que ta main soit sur les cœurs. Je n'ai jamais vu le Saint-Esprit. Yeah, sa racine. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Faveur de notre pays. Si le pays est calme, nous aussi nous serons calmes. Nous aurons des cœurs tranquilles. Alors nous allons prier Dieu. Que Dieu dans chaque ville, que Dieu amène sa paix et sa bonté. Dans chaque province, que l'Éternel juste soit au contrôle de toutes les choses. Nous allons prier même les autorités. Que le Seigneur soit avec eux. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier pour son pays? Pour l'amour de Sion, je m'éterrai pour moi. Yeah. entendez quelqu'un faire des cris de joie quand je montais ici. J'entendais les cris de joie d'un victorieux. Amen, amen. Les cris de joie que nous avons faits maintenant là, vous les avez faites pour moi. Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 32. Pour le respect de la parole de Dieu, si nous pouvons nous tenir tous ensemble debout, nous allons confesser ces paroles. Et à la fin, il y aura un victorieux qui va maintenant faire des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Romains chapitre 8. Verset 32. Ensemble, nous pouvons faire la lecture. 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que de la chair, on la rendait sans force. S'il vous plaît, nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 32. Nous pouvons faire la lecture. Lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia! Voilà, maintenant il y a un victorieux qui va acclamer pour Dieu. Bien-aimés, vos acclamations n'arrivaient pas ici. Pendant que moi je montais, j'entendais les acclamations monter jusqu'ici. Est-ce qu'il y a un victorieux? Alléluia! Bien-aimés, qu'est-ce qui va nous empêcher de le louer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va nous empêcher de le célébrer ce matin? Est-ce la nudité? Est-ce la famine? Alléluia! Pendant que nous sommes encore une fois en train d'acclamer très fort, nous accueillons les canaux vocaux qui vont nous emballer dans un temps de louange. Est-ce qu'on peut les encourager avec des acclamations? Pendant 5 minutes, vous allez louer l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux balancer ta main? Tu peux pousser les cris de joie pour Jésus. Alléluia. Tout mwimbiye, bonhomme, Yesu mokozi tumutole yenansi fwa. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? Alléluia. Jésus mon cause, tout le monde l'est en si fort. Tout mon boudou, mon nom, Jésus mon cause, tout le monde l'est en si fort. Tout le monde m'y mire, mon nom, Jésus mon cause, tout le monde l'est en si fort. Tout le monde m'y mire, mon nom, Jésus mon cause, tout le monde. Boudou, mon nom, Jésus mon cause, tout le monde l'est en chambre. Ma boudou, mon nom, Jésus mon cause, tout le monde l'est en chambre. Oh, En avant. Pour Jésus. Quand je montais, j'entendais les cris de joie monter jusqu'ici, mais à présent je ne vous entends pas. Est-ce que les cris de joie peuvent arriver jusqu'ici? Asema tokoyembe lanzambe kuna nalola. Tutamwimbia Mungu kule kumbingu. Je pense que la kumbingu tout a chez Athéna. Alléluia. Pendant que la chorale est en train de nous donner un cantique de louange ensemble avec l'assemblée, nous pouvons nous tenir tous debout afin de louer notre Dieu. Jésus, est-ce que nous pouvons nous lever pour continuer la louange? Je déménageais. Oh, que nous pouvons encore une fois bien acclamer Dieu. Ce Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui n'a jamais changé. Qui nous séparera de son amour? Si lui-même a donné son fils, comment va-t-il nous priver toutes ces choses? Est-ce qu'un cœur peut lever sa voix et être reconnaissant envers ce Dieu? Il est puissant, il guérit, il restaure. C'est ce Dieu pour qui nous sommes là ce matin. Ce Dieu qui n'a jamais changé. Il n'est ni le Fils de l'homme pour se repentir. Est-ce qu'un cœur peut lever sa voix ce matin, bien-aimé, et un cœur reconnaissant envers ce Dieu? Tout puissant, c'est toi. Ça m'a mené les voyeurs. Oh, mon côté Jéhovah, ako remplacé au l'ensemble mon sousou Yahweh, au l'ensemble mon éneboye, mon sousou Azalite. Dernier mois que l'on bat son bica sans toi, Seigneur, au long qui s'accompagne vous la licolo ya bayenge béni. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de novembre. Le 30 novembre. Et à partir de demain, nous commençons le dernier mois de l'année 2025. Tu as toutes les raisons de bénir le Seigneur. Pour ce que tu as déjà vu. Même pour ce que tu n'as pas encore vu. Alors j'aimerais toute l'église nous élever nos voix pour dire merci au Seigneur, pour le bénir. Commence à le bénir. Il est formidable. Dieu tout-puissant. Il est formidable. Bénis-le. Élève ton mon cœur considère. Tout l'univers. Alléluia. Créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur. Seigneur, merci. Le ciel. Merci pour le don de Jésus. Merci pour ce que tu as accompli cette année. Merci pour la semaine où tu nous as protégés, gardés, parlés. Oh, nous te sommes reconnaissants ce matin. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Dans nos faiblesses, tu étais présent. Dans nos pleurs, tu nous as essuyé les larmes. Dans nos questionnements, tu nous as répondu. Oh, je bénis ton nom. J'élève ton nom, Seigneur. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout, toute l'église, et acclamer pour le Seigneur? Tiens-toi debout, acclame. Acclame comme quelqu'un qui remercie un grand Dieu. Acclame comme quelqu'un qui remercie le grand roi. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Acclame-le encore. Parce qu'il est incomparable. Oh, gloire au Seigneur. Nous restons debout pendant quelques minutes. Pendant que j'ai prié ce matin, vers 5 heures, là, par-ci. Gloire à Jésus. Gardé et nous voici encore le dimanche pour élever le nom du Seigneur. Notre corps n'est pas conditionné par l'électricité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à un moment donné, nous avons l'impression que non, il faut que la snelle soit notre frère pour que non, la snelle reste la snelle, Dieu reste Dieu. Alléluia. On nous a dit que c'est la meilleure entreprise, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Tu trouveras un secours opportun. Donc chaque fois que tu as besoin du secours de Dieu, il sera là. Mais il y a des gens qui peuvent avoir besoin du courant, mais le courant n'est pas là. Alors ne nous fions pas en ces choses. Nous voulons élever le nom du Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons nous recommander à la grâce de Dieu. Et nous voulons que le Seigneur nous visite ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions ce matin, nous élevons ton nom est formidable, ton nom est magnifique, tu es incomparable, Seigneur, tu es incomparable, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, qui est comparable à toi, Seigneur, qui est semblable à toi, Seigneur, l'Éternel, les dieux sont sur les portes, le dieu sur les portes, et il est en sécurité. Ton nom, Seigneur, nous protège. Ton nom, Seigneur, les dieux sur les portes, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom. À toi, Seigneur, à toi, la gloire, à toi, la majesté. Oh, merci, Seigneur, je te bénis ce matin, je t'élève ce matin. Je t'élève ce matin au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. On nous a parlé de Gédéon. Gédéon a relevé tous les défis de sa vie. Et aujourd'hui, c'est toi le Gédéon. Je ne connais pas les défis qui sont dans ta vie. Considère toutes tes difficultés comme des défis. Considère tous tes problèmes comme des défis. Et dis-toi ce matin, tu peux commencer à citer chacun un à un de tes problèmes. Et tu vas déclarer que tu vas les relever. Parce que Dieu a placé en toi une force capable de relever les défis de ta vie. Si Dieu peut permettre que ces défis soient pour toi, la Bible dit qu'il ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Il n'est pas question seulement de la tentation du péché. Il est aussi une question de relever les défis de la vie. Donc si ces problèmes viennent vers toi, il n'est pas question que ça va te vaincre. C'est que Dieu a trouvé en toi les capacités nécessaires de vaincre ces problèmes, de relever ces défis. Alors j'aimerais que tu pries avant d'écouter la parole de ce matin. Mais il ne faut pas vivre une vie seulement de difficultés. Je ne dis pas aussi que c'est facile. Non, mais c'est simple. C'est simple parce que ça obéit à des principes. Chaque fois que nous découvrons des principes, nous nous appliquons pour que ça se réalise. Alors je voudrais que tu pries ce matin. Tous les défis qui sont dans ta vie, dans ta maison, au milieu de tes enfants, dans ton travail, dans ta santé, ce matin, je veux que tu déclares, il n'y a aucun défi qui peut être au-dessus de toi. Rien ne peut être au-dessus de toi. Gédéon s'est minimisé, mais par la révélation, Dieu lui a dit qu'en toi il y a une force capable de résoudre le problème. Par la parole de Dieu, par ce qu'il fait habituellement, il battait le froment, il a battu Madian. Oh bien, mais on nous a expliqué ces choses en semaine. Les choses que tu fais naturellement, c'est une indication qui montre que Dieu t'appelle à ce que tu es capable de vaincre ces choses. Nous voulons que tu puisses prier et le déclarer ce matin au nom de Jésus-Christ. Et les bons, on va commencer à prier. Au nom de Jésus, ce matin je déclare, il n'y a aucun défi qui va m'arriver. C'est dans tous les challenges de ma vie, je déclare ce matin, je vais me relever dans ma santé. Je déclare qu'aucune maladie n'est là pour m'abandonner, pour m'affaiblir. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Dans mon travail, tous les challenges, tous les défis seront relevés, même s'ils paraissent ce matin grands, insurmontables. Le Dieu que j'invoque, il est puissant. Le Dieu que j'invoque, il est grand. Le Dieu que j'invoque, il est capable. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Dans la famille de mes enfants, je lève ce matin tous les esprits, du premier au dernier, dans la vie. Thank you. agenda maléfique. Tu es fidèle. Ou comme moi, mes tu es fidèle. Ou comme moi, mes la Bible me dit, même quand nous sommes infidèles, toi tu es fidèle. C'est on a fidèle ou on a quoi moi, mes dans le parcours de notre vie, nous pouvons témoigner ta fidélité chaque jour. Dans les jours, dans les mois de cette année 2025, je témoigne ta fidélité. Non seulement envers moi, envers ton peuple, envers tes enfants, partout où ton nom est invoqué. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Merci pour ta présence. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer? Tu es merveilleux. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui bon dimanche, que Dieu te bénisse. Ambi dimanche nzuri, Mungu akubariki. J'ai envie de beaucoup chanter, louer le Seigneur pour les choses, pour le mois de décembre, mais on va le faire après. On laisse le temps à la parole de Dieu. Je pense que Dieu va nous faire grâce. La technique, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Si tout se passe bien maintenant. Ok, Elvis, c'est bon. Gloire au Seigneur. Nous avons été richement bénis cette semaine. Merci de vous asseoir. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, hier, le matin, un enseignement formidable. En tout cas, un serviteur, un ouvrier, doit suivre de tels enseignements. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas rater. C'est très important. Dans la vie, il y a des choses vraiment il faut se débrouiller pour être là. Mais Dieu est merveilleux. Il nous donne encore ce matin l'occasion de l'écouter. Moi-même, je suis reconnaissant envers le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu, sa disponibilité. Je me rappelle la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Rotana, à Kinshasa. Et c'est Thierry qui m'a présenté le pasteur. Il est venu me voir, il m'a remercié, dit pasteur, merci beaucoup de nous avoir amené un frère comme le frère Thierry. Et je remercie le Seigneur pour cela. Ce matin aussi, je suis dans la joie avant que je ne présente l'orateur. Je vois Séraphin. Mon fils. Lève-toi un peu, on va l'accueillir, on va l'acclamer. Si maman, tu t'as osé couper. Je l'aime beaucoup. Quand je le vois, ça me réjouit quand même. Il a crié au Seigneur lors d'une campagne d'évangélisation à la gare. Et il a commencé à servir le Seigneur dans cette église. Là, il est parti à Lubumbashi parce que. Inspecteur de travail. Et je bénis le Seigneur pour cela. Parfois, ça me réjouit. Dernièrement, j'étais à Kinshasa, je crois. Je suis parti prier à Philadelphie au prince de Liège. Là, je sortais. Un frère aussi m'a arrêté. Il m'a dit, pasteur, on vous a présenté. Je dis, il faut que je vous voie à la fin. Un jour, j'étais à l'Ikasi chez ma soeur. Il y avait campagne d'évangélisation. J'ai cru au Seigneur. Mais maintenant, je sers le Seigneur dans cette église. Moi-même, déjà oublié. Et ça me réjouit. Au moins, il y a quand même quelqu'un qui a reçu le Seigneur et qui est resté attaché à l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour le frère Séraphin? Que Dieu te bénisse. Je bénis ton travail. Je pense qu'en 2026, sous ce compte, Lubumbashi va démarrer. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais qu'on présente l'homme de Dieu avant qu'il ne monte à la chair. La technique, si vous êtes avec moi, est-ce que vous pouvez nous aider à Moulima 30, un rendez-vous avec Dieu. Un temps fort de jeûne et de prière. Un temps qui bénit la vie de tous ceux qui cherchent ardemment la face de Dieu. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Trésor Fambouane. Qui est le pasteur Trésor Fambouane? Pasteur titulaire de l'église Maison de Miséricorde Kinshasa Ngaliema, extension du centre missionnaire Philadelphie. Pasteur titulaire, prédicateur poignant de l'évangile de Jésus-Trésor Fambouane. Qui est le pasteur Trésor Fambouane? Extension du centre missionnaire Philadelphie. Pasteur titulaire, extension du centre Delphine. Leader passionné et dynamique, écrivain et conférencier. Marié à maman Sarah Fambouane, avec qui ils ont quatre beaux enfants. Et sacerdoce Aaronique. fallait tuer des boucs pour que le péché soit couvert. Mais dans le système de Christ, il est lui-même et le prêtre et l'offrande et le sacrifice. Église de Dieu, accueillons le pasteur Trésor Fambo. Est-ce qu'on peut acclamer, l'encourager? Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prions. Tout en bas. C'est avec action de grâce. Attendo la shukrani. Humilité, que nous nous tenons, mon frère et moi-même, devant ce peuple, afin de partager ta pensée. Seigneur, merci pour ce matin. Un matin béni. Un matin de grâce. Yahweh, je prie afin que tout ce qui va être partagé ce matin soit pour ta gloire. Qu'il nous aide à avancer dans notre foi et à vivre le programme de Dieu pour notre vie. Que tous les autres noms disparaissent. Que Christ seul soit glorifié. Sers-toi de nous comme des canaux par lesquels tu vas passer afin que nous soyons bénis. Il est tout barikiwe. Au nom de Jésus. Uchinala Yesu. Amen. Tunasema amina. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Tunaweza kuchapa makofi. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nawasalimia katika jina nzuri ya Bwana wetu Yesu Kristo. Je rends grâce à Dieu qui me permet de pouvoir achever cette semaine avec vous aujourd'hui. Grande est ma joie de voir le leadership qui est en cet endroit. Et je bénis le Seigneur pour le Père qu'il vous a donné. Le visionnaire qu'il vous a donné. Merci, Pasteur Désiré. Oui, on peut acclamer, oui. Merci également, Maman Elvire. J'ai vraiment été à la fois édifié par tout ce que j'ai vu dans votre ministère. Et je prie que cet esprit continue à travailler dans la vie de vos fils de génération en génération. Je vais terminer donc mon exposé ce matin. Va avec cette force que tu as, c'est notre thématique. Et j'avais promis de partager cet enseignement en trois points principaux. Le premier point était consacré au contexte historique du temps des juges. Le deuxième point était consacré au juge Gédéon et à ses défis. Et le dernier point que j'ai commencé vendredi était relatif aux dimensions de la force de Gédéon. Point 1, c'était bref aperçu du temps des juges. Point 2, c'était les juges Gédéon et ses défis. Et depuis vendredi, j'ai commencé le troisième et dernier point de cet enseignement, consacré à quelques dimensions de la force de Gédéon. Lorsque dans Gédéon 6, verset 14, Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Nous avions signalé différentes facettes de cette force. Je n'ai pas défini une dimension comme chacune de grandeur que nous avons ici, grandeur géométrique comme la hauteur, la profondeur, la longueur ou la largeur. Je n'ai pas non plus défini la dimension comme le format de quelque chose, le gabarit de quelque chose, cet écran que vous avez a un certain format, une certaine taille. Je ne sais pas c'est combien sur combien. Généralement, on a des écrans à 55 pouces, 65 pouces. Ce sont des formats de gabarit. Et quand je parle de dimension de la force de Gédéon, je ne vois pas ça. La troisième façon de comprendre le terme dimension, c'est aspect de quelque chose. Je vous ai dit que les évangiles présentent Jésus-Christ dans quatre aspects différents. Chaque évangile nous présente un aspect, une facette de la personne de Jésus-Christ. Matthieu présente Jésus comme le roi. Marc le présente dans son aspect de serviteur. L'évangile selon Luc présente Jésus comme homme. Et l'évangile selon Jean, l'évangile de la divinité, voit Jésus-Christ comme Dieu. Il s'agit d'une seule personne, Jésus-Christ, mais décrit en quatre dimensions différentes, en quatre aspects différentes. Ces dimensions, c'est ce que j'appelle aspect ou facette. Il s'agit de décrire la force de Gédéon, mais en quatre facettes. Tout comme les quatre évangiles décrivent la personne de Jésus-Christ en quatre aspects, en quatre facettes différentes. Par la grâce de Dieu, nous voulons décrire la force de Gédéon en quatre aspects différents. Le premier aspect ou la première facette, je l'avais dit vendredi, c'est la dimension personnel de la force de Gédéon. Moulima 30, un rendez-vous avec Dieu. Vous que j'ai créé, vous allez continuer mon œuvre. Soit cela, nous sommes le produit des deux qui est devenu une seule chair. C'est pourquoi avec Dieu, si vous êtes le seul candidat, ça suffit pour que Dieu fasse la différence. N'attendez pas que les autres viennent. Allez avec la force que Dieu vous a donnée. Il dit à Gédéon, toi, va. Ne cherche pas la compagnie des autres. Ne cherche pas que les autres t'accompagnent. Si par la désobéissance d'un seul, le péché est entré, et par le péché la mort, c'est aussi par l'obéissance d'un seul que Dieu a répondu le salut. Adam et puis Christ. La Bible dit les grains de blé doivent tomber en terre et mourir afin de produire. Un seul homme avec Dieu suffit. C'est pourquoi je crois pour le réveil que nous voulons voir à l'Ikasi. Dieu peut passer par toi. Pour le réveil que Dieu peut amener dans ta famille, Dieu peut passer par toi. J'ai dit Dieu passera par toi. La femme samaritaine est celle qui a amené le réveil dans toute la ville de Samarie. Jésus l'a localisé, elle, et elle, elle est allée dire aux autres, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Jésus aurait pu directement aller dans la ville de Samarie. Mais il commence par la femme samaritaine pour atteindre Samarie. C'est comme ce qui va se passer. Pendant et après Moulima 30, Dieu passera par toi afin d'atteindre toute la ville. Ce matin, je vais continuer avec la deuxième dimension que j'ai appelée la dimension mentale de la force de Gédéon. La dimension mentale, ça c'est très important. La force de Gédéon n'est pas que personnelle. La force de Gédéon est aussi mentale. Juge 6, verset 14, la Bible dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Je vais vous montrer où se situe la dimension mentale. Prenez Josué 1, 6 à 7. On va lire ensemble, papa Norbert. Dieu parle à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Toujours Josué 1, verset 9. N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Toujours Josué 1, verset 16 à 18. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Praise the Lord. Avez-vous remarqué que dans ce seul chapitre, Josué 1, l'expression « fortifie-toi » et « prends courage » est revenue au moins 3 fois ou même 4 fois. Au verset 6, « fortifie-toi et prends courage ». Au verset 9, « fortifie-toi et prends courage ». Au verset 16, 18, « fortifie-toi et prends courage ». Pourquoi « fortifie-toi et prends courage » est revenu plusieurs fois? Est-ce que vous pouvez me suivre maintenant? Josué est au début de son leadership. Moïse est mort. Moïse est le leader avec qui le peuple était habitué. Le peuple a vu la main de Dieu par Moïse. Moïse a libéré le peuple de l'Égypte, bien sûr, pour le conduire dans la terre promise. Et maintenant, Josué doit prendre la relève. Moïse n'est plus. Moïse est mort. Le grand leader est mort. Maintenant, Josué doit continuer. Le premier jour dimanche passé, je vous avais dit que remplacer un perdant est facile. Parce que si vous échouez, on ne va vous comparer à personne parce que c'est lui que vous avez remplacé, lui également a échoué. Mais c'est très difficile de remplacer quelqu'un qui a réussi. Parce que si vous échouez, on va vous mesurer à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Josué ne remplace pas un perdant. Josué remplace un homme à succès. Un vrai leader. Moïse a été tiré des eaux. Moïse a libéré le peuple de l'Égypte. Moïse a partagé la mer rouge. Moïse a prié le Seigneur et l'eau a jailli du rocher. Moïse a accompli de grands miracles dans le désert. Moïse est un grand homme. Il a donné la loi au peuple. Maintenant, il n'est plus. On te demande à toi, Josué, de prendre sa place. Quel défi! Je comprends la peur de Josué. Je comprends la frustration de Josué. Je comprends que la tâche de Josué est difficile. Imaginez un peu tel que vous êtes là. C'est un exemple. On vous dit, préparez-vous, vous allez être le prochain président des États-Unis d'Amérique. Vous pouvez fuir. Vous voyez la taille du défi. C'est ce qui se passe avec Josué. Tu vas remplacer un grand homme. Et Dieu comprend les peurs et les angoisses de Josué. C'est alors qu'il vient lui dire, le défi est grand, la tâche est grande, je le sais. Mais une chose que tu dois faire, fortifie-toi et prends courage. Dieu commence à réveiller la mentalité de Josué. Parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Si dans votre âme vous pensez que c'est impossible, ça le sera aussi. Mais si dans votre âme, peu importe la grandeur de la tâche, vous vous dites, Moïse est mort, mais Dieu n'est pas mort. Le Dieu de Moïse est aussi mon Dieu. La tâche est grande, mais mon Dieu est plus grand que la tâche. Alors j'avancerai avec Dieu. C'est ce qui se passe avec Gédéon. Madian est là. Amalek est là. Les fils de l'Orient sont là. La tâche est grande. Le défi est grand. Mais le Dieu qui me parle est plus grand que le défi qui est en face. Ma mentalité doit changer. Frère, laissez-moi vous dire, vous allez relever ce défi, peu importe sa taille. L'exercice à faire, c'est de commencer à développer la mentalité qui correspond à la tâche que Dieu vous donne. Pasteur, beaucoup de gens échouent non pas parce qu'ils ne sont pas capables. Beaucoup de gens échouent parce que déjà dans leur tête, ils se limitent. Déjà dans leur mental, ils se disent, je n'arriverai pas. Voici la bonne nouvelle de ce matin. Fortifie-toi. Prends courage. Ce n'est pas le voisin, c'est toi. C'est ce que Dieu dit à Josué. Fortifie-toi. Prends courage. C'est toi qui mettra ces peuples en possession. Je dis à quelqu'un, comme un prophète de l'Éternel, fortifie-toi, change ta mentalité. C'est toi. Je disais, c'est toi. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton grand frère. C'est toi. C'est toi. Toi qui te sens faible. Toi qui es limité. Toi qui n'as pas de force. Mais Dieu t'a choisi. Laissez-moi vous dire, un homme qui a été choisi par Dieu bénéficie de la logistique divine. Un homme qui a été choisi par Dieu doit commencer à changer sa mentalité. Commence à te dire, c'est pas mon défi, c'est le défi de Dieu. C'est pas ma mission, c'est la mission de Dieu. C'est pas ma tâche, c'est la tâche de Dieu. Dieu m'a enrôlé pour exécuter. Moi je serai la main, mais Dieu sera la force. Moi je serai la voix, mais c'est Dieu qui parlera. Regardez, on décrit Jean-Baptiste comme la voix de celui qui crie dans le désert. Jean est la voix qui crie dans le désert. Le message n'est pas le message de Jean. Le message, c'est Jésus-Christ qui le donne. Mais Jésus se sert de la voix de Jean. Jean crie dans le désert, mais c'est Dieu qui parle à travers Jean. David lance la pierre, mais c'est Dieu qui enfonce la pierre dans le front de Goliath. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Même si la tâche est grande, allez avec la force que Dieu vous a donnée. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi. Maintenant, se fortifier signifie quoi? Je vais vous dire un certain nombre de choses avant de parler de la dimension prochaine. Lorsque Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as, il réveille sa mentalité. Lorsque le même Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, le même Dieu, par la bouche de Paul, va parler à Timothée. Dans 2 Timothée 2, 1, Paul dit à son fils, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Se fortifier signifie quoi? Premièrement, se fortifier signifie prendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Prendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. J'aime beaucoup ce qui se passe lors des Jeux Olympiques. Surtout lorsqu'il s'agit de la course marathon. Vous voyez, chaque athlète prend position afin de prendre un élan. Il ne commence pas la course comme ça, en étant tout droit. Il faut qu'il s'appuie, qu'il prenne les bons appuis. Ce geste est très important. Parce que la suite dépendra de ce départ. Et le départ dépend de cet appui que vous prenez. Même lorsqu'un joueur est sur le point de tirer un pénalty, il faut qu'il prenne un certain élan pour bien tirer. Il faut qu'il prenne un bon appui. Si l'appui, si vous ne prenez pas le bon appui, vous allez échouer. Parce que cet appui vous donne un élan, et c'est cet élan qui vous donne la force de continuer. La bonne nouvelle, c'est quoi? Lorsque nous nous lançons dans les défis de la vie, notre appui, c'est l'Éternel. Nous nous appuyons sur lui. Nous nous appuyons sur sa grâce. Et c'est lui qui nous lance. C'est lui qui nous donne un élan. Ce n'est pas à... Ne vous appuyez pas sur les hommes. Appuyez-vous sur l'Éternel. Dans 1 Samuel 30, verset 6, il se passe quelque chose. David est dans une grande angoisse. Il est à Tiklag. Et il se passe quelque chose à Tiklag. Les Amalécites sont venus et ils ont pillé Tiklag. David et ses hommes n'étaient pas là. Les Amalécites ont trouvé les femmes, les enfants et les vieillards. Ils ont pillé Tiklag, ils ont mis du feu. Et ils ont amené captifs femmes et enfants. Quand David revient à Tiklag avec ses hommes, il voit du feu dans la ville. Il voit la fumée. Certainement, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent, ils se rendent compte de la désolation. La ville, le camp est en feu. Tout ce qu'ils avaient comme bien pillé. Femmes et enfants partis en captivité. Ça a été l'un des moments difficiles pour David. Parce qu'au verset 6 de 1 Samuel 30, la Bible dit que le peuple voulait les lapider. C'est l'une des rares fois où le peuple a voulu tuer David. Parce que chacun a vu comment est-ce que la ville a été pillée. Femmes et enfants sont partis. David, lui-même aussi, en avait pris ses femmes et ses enfants. Il était déjà dans l'amertume, dans l'angoisse du fait que sa famille est partie. Mais l'angoisse avait doublé par le fait que tous ces vaillants hommes ont voulu le lapider à cause de cette perte. Où est-ce que David allait trouver sa force? Et j'ai aimé ce qui est dit. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il sait qu'il ne peut plus compter sur personne. Le peuple sur qui il pouvait compter veut le tuer. Il n'a plus d'avenir. Quand il regarde devant, il voit la mort. Quand il regarde derrière, il voit le feu dans les camps. Mais David sait, s'il ne peut regarder devant, s'il ne peut regarder derrière, s'il ne peut compter sur personne, il y a quelqu'un au-dedans de lui sur qui il peut s'appuyer. David se fortifie en l'Éternel. Je sais que beaucoup de nous ce matin, ils reprennent courage quand ils consultent leur compte en banque. On lui présente un projet, il dit « Ah non, j'arriverai parce que j'ai un compte. » D'autres personnes, ils s'appuient sur leur mari ou leurs épouses. D'autres encore, ils s'appuient sur leur relation. J'ai une difficulté, Mais j'ai quelqu'un dans le gouvernement qui peut passer un coup de fil et la chose sera terminée. Ce matin, je suis venu prêcher, non pas à ceux qui ont des gens qui peuvent le dépanner. Ce matin, je suis venu parler à des David qui n'ont plus personne. Je suis venu parler aux paralytiques de Bethesda qui n'a plus personne. Je suis venu parler à quelqu'un qu'on a tabassé comme cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il n'a plus personne. Je suis venu chercher cet homme-là. Quand il regarde son téléphone, il n'y a plus de numéro. Quand il regarde dans son passé, il n'y a rien. Quand il regarde devant, il ne voit rien. Je suis venu vous dire, si devant, derrière, à gauche, à droite, il n'y a personne, levez les yeux au ciel. Au ciel, il y a toujours quelqu'un. Au ciel, il y a toujours un trône. Au ciel, il y a toujours un Dieu. Appuyez-vous sur l'Éternel. Reprendre courage ne signifie pas compter sur ses propres forces. Reprendre courage, j'ai aimé ça dans l'original. Lorsqu'on dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, la pensée est celle-ci. Parce qu'il ne peut plus compter aux gens, sur les gens autour de lui. Il ne peut plus compter sur personne autour de lui. David fait un exercice. Il rentre au-dedans de lui et il commence à chercher les preuves de la fidélité de Dieu. C'est ce que ça signifie. Quand il voit le feu à Tiglag, quand il voit que ses femmes et enfants sont partis, quand il voit qu'on cherche à les lapider, David rentre au-dedans de lui. Il regarde. Il dit, mais est-ce que je n'ai pas connu une situation similaire? Et puis son passé lui dit, oui, tu étais en face d'un lion, tu étais en face d'un ours, tu étais faible. Dieu t'a délivré des griffes de lion et de la gueule de l'ours. Souviens-toi, David, tu étais face au géant Goliath. Dieu t'a délivré de la main de Goliath. Aujourd'hui, ces gens veulent te tuer. L'adversité a changé. Le combat a changé, mais Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui t'a délivré de l'ours, du lion, de Goliath, c'est le même Dieu qui va te délivrer devant ce peuple. Je suis venu dire à quelqu'un, le passé n'est important que s'il nous rappelle la fidélité de Dieu. Le passé n'est pas important s'il nous rappelle nos échecs. Le passé n'est pas important s'il nous plonge dans l'angoisse. Le passé n'est important que s'il constitue pour nous un souvenir de la fidélité de Dieu. Et je suis venu vous dire, le Dieu qui a fait hier, il fera encore aujourd'hui. Appuyez-vous, reprenez courage. Entrez en vous-même. Quelles sont les preuves de la fidélité de Dieu dans votre vie? Aujourd'hui, vous avez affaire à une situation qui vous trouble. Mais regardez, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y avait aussi une situation qui vous a troublé. Dieu vous a sauvé. Dieu a résolu ça. S'il a fait hier, pourquoi il ne le fera pas aujourd'hui? S'il vous a aidé hier, pourquoi il ne le fera pas aujourd'hui? Je lève ma main, je dis, il y a un secours au ciel. Reprenez courage. Gédéon a compris. Il dit, si l'Éternel était avec nous, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Ça j'aime. J'aurais voulu dire à Gédéon, au moins dans le passé, Dieu a été fidèle. Il a donné des miracles au Père. Les pères ne sont plus. Vous êtes des fils. S'il a donné des miracles au Père, il donnera aussi les miracles au Fils. Amen. Quelqu'un a-t-il besoin d'un miracle? Reçois-le. Quelqu'un a-t-il besoin d'un secours divin? Reçois ce secours dans ta vie. Deuxièmement, Se fortifier, et ça c'est très important, signifie aussi développer une mentalité de vainqueur. Développer une mentalité de vainqueur. Beaucoup de gens n'ont pas la mentalité de vainqueur. Gédéon, tu es petit, tu es faible, selon toi. Mais tu ignores que tu as une force que Dieu t'a donnée. Quand Dieu lui dit va avec la force que tu as, Dieu veut lui dire commence à changer ta mentalité. Frère, rien ne se fera par vos mains si votre mentalité ne change pas. Et l'un des problèmes des croyants aujourd'hui se trouve au niveau de la mentalité. Au niveau de la perspective. Comment ils voient les choses. Comment ils comprennent les choses. Un jour, on a placé deux enfants. On a mis devant ces deux enfants un jouet en forme de serpent. Et on a jeté ce jouet devant ces deux enfants. Le premier enfant, en voyant le jouet sous forme de serpent, l'enfant a fui, l'enfant a commencé à pleurer. Et il a tellement pleuré que on sentait la peur. Mais l'autre enfant qui a vu le même objet a eu une autre information. Au lieu de fuir, l'autre enfant est allé faire le serpent. Il commençait à piétiner les serpents. Et puis il a pris les serpents par la queue. La différence entre ces deux enfants se trouve à quel niveau? Le serpent, l'objet n'a pas changé. Il n'est pas devenu un serpent réel pour l'enfant qui pleurait. Et il n'est pas resté un objet pour l'enfant qui a su relever le défi. Ça s'est passé là. Le premier enfant a cru voir un serpent réel. Et pour lui, serpent égale danger. Et directement, cette information de sa tête a été transmise à toutes les parties du corps. Et il a commencé à stresser. Mais l'autre enfant, quand il regarde, il ne voit pas un serpent, il voit un jouet. Voici ce qui va se passer. On est tous chrétiens. Mais croyez-moi, on n'a pas la même mentalité devant le problème. Il y a des gens pour qui le problème, c'est vraiment la fin du monde. Mais il y a d'autres personnes, le problème, c'est une opportunité de manifester la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je vous en supplie, ayez la mentalité de vainqueur. Le peuple d'Israël, quand il voit Goliath, le peuple fuit. Parce que le peuple regarde la taille et l'expérience de Goliath. Mais comment David, au milieu de tout ça, David avance, il s'approche, il dit à Saül, moi j'irai et je battrai cet homme. On lui dit, mais toi tu es un enfant, celui-là c'est un homme de guerre et j'ai aimé David. David dit, il est un homme de guerre pour vous, mais moi, je le regarde comme un incirconcis. Or, un incirconcis, c'est un peuple sans alliance. Celui qui est incirconcis n'est pas couvert par Dieu. Tout le monde voyait en Goliath un géant, mais David voyait en Goliath un homme sans alliance. Et c'est ça qui lui a donné l'avantage. Amen. Frère, développer la mentalité de vainqueur. Regardez ce qui se passe avec Josué et Caleb. Moïse envoie 12 espions pour aller explorer la terre promise. Ils ont exploré. Ils ont vu tout ce que Moïse avait décrit. Mais quand ils rentrent, les 12 ont donné 2 rapports différents. Les 10 ont dit, il est vrai que ce pays est un pays où coule le lait et le miel. Il est vrai que tout ce qu'on nous a dit sur ce pays est comme ça. Mais il y a quelque chose, il y a un détail. Il dit, le peuple qui habite ce pays, le fils d'Anak, est un peuple fort. Et devant eux, nous étions comme des... Qui leur avait dit qu'ils étaient des sauterelles? Eux-mêmes, leur propre perspective. Mais Josué et Caleb ont dit, il est vrai que ce peuple fort. Il est vrai aussi que le pays que Dieu nous a donné est un pays où coule le lait et le miel. Mais si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera le pays. Ils n'ont pas regardé la difficulté, ils ont regardé la faveur de Dieu. Voici la bonne nouvelle. Si Josué et Caleb parlent de la faveur de Dieu en termes de si, en termes du conditionnel, vous et moi, nous ne sommes plus dans les si l'Éternel est favorable. Depuis que Jésus est mort sur la croix, le si est devenu une évidence. L'Éternel nous est favorable. Et puisque l'Éternel nous est favorable, il nous donnera le pays. Le problème ne s'est pas situé au niveau du pays, mais au niveau de leur mentalité. Les fils d'Anak n'ont pas changé. Le pays n'a pas changé. C'est les informations de la tête qui a fait la différence. Frère, la mer est rouge et toujours mer est rouge. Mais seulement, lorsque Moïse est rempli de Dieu, il ne voit plus la mer rouge comme un obstacle. Le peuple voit la mer rouge comme un obstacle, mais Moïse le voit comme un passage. Frère, tout obstacle n'est pas obstacle pour celui qui a la mentalité de vainqueur. Il est possible que derrière vos plus grands cauchemars, Dieu cache vos plus grandes visitations. Donnez-moi un bon amen, je vais prêcher. Derrière votre plus grande maladie, il est possible que Dieu vous donne un grand témoignage. Il est possible que Lazare meure 4 jours après, qu'il commence à sentir. Ah, Marthe a dit, pourquoi tu demandes qu'on ôte la pierre? Il sent déjà. Jésus dit, ôtez la pierre. Vous savez, il y a des gens ici, ils veulent cacher leurs problèmes. Ils ne veulent pas ôter. Il dit, non, pasteur, qu'on ne parle pas de mon problème. Sinon, tout le monde saura. Ça commence à sentir. Quelquefois, il faut que ça sente. Il faut que la pierre soit ôtée pour que l'on sache que Jésus est aussi la résurrection. Si Dieu permet que ça sente, c'est pour que le témoignage aille partout. Et les gens viendront pour voir ce que Dieu a fait. Quelquefois, Dieu permet que la barre soit haute pour qu'il soit le seul à traverser. J'annonce à quelqu'un, la grandeur de ton problème va révéler la grandeur du témoignage. La grandeur de ta situation va révéler la grandeur de ton Dieu. Il faut que Josué remplace Moïse pour que les gens ne regardent pas Moïse. Pour que les gens se disent, ça n'a jamais été Moïse. Ça a toujours été Dieu. Parce que si ça a été Moïse, Josué n'allait pas le faire. Josué n'est pas Moïse. Mais le Dieu de Moïse est le Dieu de Josué. Josué et Moïse, ils sont différents par la taille, ils sont différents par la famille, mais ils ont un dénominateur commun. Ils ont le même Dieu. Moïse nous a fait traverser la mer rouge. Josué aussi nous a fait traverser le fleuve Jourdain. J'annonce à un fils, tu feras ce que ton père a fait. Papa a fait traverser la mer rouge. Toi, tu feras traverser le fleuve Jourdain. Mais comme j'aime Dieu, quand Dieu travaille avec le Fils, il ajoute toujours une dimension supérieure. Il ajoute toujours quelque chose de spécial. C'est pour la gloire de Dieu. Ma prière ce matin est que vous ne considériez jamais la taille de vos défis. Changez la mentalité. Est-ce qu'on peut revenir sur le psaume 23? On va le réciter ensemble. L'Éternel est mort. Je ne manquerai de. Il me fait reposer. Il me dirige près de, à cause de. Maintenant voici ce qui est dit. Quand je marche, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu change ces vallées de l'ombre de la mort en pleine de l'ombre de la vie. La vallée ne changera pas. Ça sera toujours la vallée de l'ombre de la mort. Mais qu'est-ce qui changera? C'est ma vision de cette vallée. Dieu n'a pas changé la vallée, mais c'est la perspective de David qui a changé. Dieu n'a pas changé l'épreuve, c'est la mentalité de David qui a changé. La vallée est toujours vallée, mais moi je la regarde différemment. Je ne la regarde plus comme une vallée de la mort, je la regarde comme un passage qui va me donner un témoignage, parce que je sais qu'à la fin, je dirai oui, le bonheur et la grâce. Laissez-moi vous dire, le bonheur et la grâce, ce n'est pas dans psaume 24, c'est toujours dans psaume 23. Dans le même chapitre où il y a la vallée de l'ombre de la mort, c'est toujours dans le même chapitre où il y a, oui, le bonheur et la grâce. Cette même année où tu as commencé avec la vallée de l'ombre de la mort, dans cette même année, vers la fin, je t'entends dire, oui, le bonheur et la grâce. Dieu fera que dans le même chapitre, qu'il y ait une expérience douloureuse, mais qu'il y ait aussi un temps où la grâce, donne-moi un bon amen, que la grâce s'attache à ta vie. Je parle à quelqu'un, ça sera dans le même chapitre. Ça sera dans le même chapitre. Ça sera dans le même chapitre. Ça sera pas ailleurs. Est-ce que vous savez que la première prophétie messianique que Dieu donne dans la Bible, Jésus, Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de là. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez le déroulement des événements. Dieu dit au serpent, toi, tu lui blesseras le talon. Et lui, il fera quoi? Il écrasera ta tête. Est-ce que Dieu a dit tu gifleras sa tête? Tu feras quoi? On écrase avec la main ou les pieds. On écrase avec la tête ou les pieds. Ça veut dire le talon qui a été blessé, c'est le même talon qui va écraser. Dieu, oh my goodness, le même pied qu'on a touché, qu'on a... J'ai dit à quelqu'un, la même où on t'a blessé, c'est la même où tu vas écraser. La même où on t'a humilié, ça ne sera pas ailleurs. C'est le même pied. C'est le même pied. C'est le même pied. Est-ce que vous savez que Paul, quand il quitte Héraclion, il se retrouve dans l'île de Malte pendant qu'il jetait les broussailles au feu. Que dit la Bible? Une vipère. Le mot grec c'est échidna. Une vipère dangereuse. C'est attaché à quelle partie de Paul? À la main. Et la vipère a mordu la main de Paul. Et les barbares, quand ils ont vu ça, ils ont dit cet homme est un meurtrier. Comment il a échappé au vent, à la noyade? C'est sur terre qu'une vipère va le mordre. Ils attendaient qu'il meure. Ils attendaient. Ils attendaient. Des minutes sont devenues des heures. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a la promesse de Dieu ne peut pas partir par des circonstances. Mais voici la bonne nouvelle. La vipère n'a pas mordu les pieds. La vipère a mordu la main. Est-ce que vous savez que 3 mois après, quand Paul quitte l'île de Malte, la direction c'était Rome. Quand il arrive à Rome, c'est à Rome qu'il écrit les épîtres de la captivité. Épître aux Philippiens. Épître aux Colossiens. Épître aux Éphésiens. Avec quoi Paul a écrit? Avec la tête, avec les pieds, avec la main. Quelle est la partie que la vipère a mordue? C'est toujours la main. J'annonce à quelqu'un, la main qu'on va la mordue, c'est la même main qui va écrire l'épître aux Philippiens. La main qu'on a mordue. J'annonce à quelqu'un, on veut couper ta carrière. On veut arrêter ta carrière. Dieu est tellement bon. Il ne va pas te faire monter ailleurs. Si c'était là, à l'OCC, ça sera toujours là. Si c'était là, à la banque centrale, ça sera toujours là. Si c'était là, à la SNEL, ça sera toujours là. Donne-moi le nom de ton entreprise, je vais préciser. Si c'était là, je ne sais pas dans quelle société, ça sera toujours là. Ceux qui ont vu tes pleurs, ils verront la gloire de Dieu. Papa, on dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et tu battras quoi? Hein? Madian, est-ce qu'on dit les Égyptiens? Est-ce qu'on dit les Philistins? Est-ce qu'on dit les Syriens? Est-ce qu'on dit les Ébusiens? Pourquoi Madian? Parce que c'est Madian qui vient nous piller. Parce que c'est Madian qui vient ravager nos productions. Ceux qui te tuent, les temps arrivent où Dieu va te donner la force de corriger ça. Ça ne sera pas ailleurs. Ça sera là-bas. Donnez-moi un bon amen, je vais prêcher. Quand Moïse a 3 mois, on le met dans une corbeille. On le jette où? Dans le fleuve Congo. Est-ce que le fleuve Congo a vu la corbeille de Moïse? Dans quel fleuve? Le fleuve, hein? Nil, hein? Ok. Ça veut dire, le premier fleuve à avoir écouté les pleurs de Moïse, c'est quel fleuve? Le fleuve Nil a entendu Moïse pleurer d'insécurité. Le jour où Dieu amène Moïse en Égypte, le premier miracle de Moïse, il change quoi? L'eau en vin, l'eau en sang, hein? C'était quelle eau? C'était l'eau du fleuve Congo? C'était quelle eau? Ah, le même Nil qu'il a vu pleurer il y a 3 mois, quand il avait 3 mois. Quand il était bébé, il a pleuré dans ce fleuve. Mais à 40 ans, il est venu dans le même fleuve, avec la force de Dieu. Il a frappé le même fleuve. Et le fleuve là a donné le sang. Je suis venu dire à quelqu'un, ça ne sera pas ailleurs. Là, là, là, là. Est-ce que je peux parler? Jésus reviendra où? Quand Jésus reviendra? Il reviendra sur la planète Mars. Il reviendra sur la Lune. Il reviendra où? Ici sur la Terre. Qui l'ont crucifié? Les habitants de Mars? Les habitants de la Terre? Qui les verra? Apocalypse dit, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont persécuté. Même ceux qui l'ont crucifié. Il viendra sur la Terre. La même terre qu'il a crucifiée. La même terre qu'il a rejetée. Quand il reviendra, ça sera là-bas. J'annonce à quelqu'un, ta force se manifestera là dans cette famille où on t'a ignoré, là dans cette entreprise où on a voulu arrêter ta carrière. Et je parle à quelqu'un, ils ne mourront pas, ils ne mourront pas. Arrêtez de prier pour qu'ils meurent. Ils ne mourront pas. Ils doivent être là. Ils doivent assister aux choses que Dieu va faire. Comme les Madianites, ils ont vu Gédéon manifester la gloire de Dieu. Je vous prêche un Dieu qui dresse une table en face de vos adversaires. C'est-à-dire pendant que vous serez en train de manger. Et ils vont regarder. Ils vont regarder. Ah, mais comment il s'est marié? Mais comment il est devenu DG? Mais comment il est devenu millionnaire? Mais comment il est guéri? Mais comment il est guéri? Ça va se passer. Papa Eric. Baba Eric. Je suis venu vous dire. Le temps du trouble a changé. Les troubles qui troublent, les troubles, les troubles. Pasteur, j'ai été troublé. Quand l'ange salue Marie, l'ange dit à Marie, je vous salue Marie. Vous à qui une grâce a été faite. Maintenant écoutez la phrase qui suit. Après avoir écouté cette parole, la Bible dit Marie fut troublée. Marie est troublée par quoi? Par une parole qui lui annonce qu'une grâce lui est faite. C'est quoi cet évangile où on vous dit seulement que c'est les démons qui troublent? On vous dit que c'est Satan qui trouble. Oh, les sorciers troublent ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis venu vous dire, vous ne serez plus troublés par le sorcier. Vous serez troublés par la grâce. Vous serez troublés par la grâce. C'est-à-dire le matin tu te réveilles, une bonne nouvelle arrive. Le temps de digérer la bonne nouvelle, à 10h40, une autre bonne nouvelle arrive. Le temps que tu cherches à comprendre, à 12h, une autre bonne nouvelle. Chaque jour sera un jour de bonne nouvelle. Je lève ma main et je prie que Dieu commence à vous troubler par la grâce. Que Dieu commence à vous troubler par la grâce. Il n'y a pas que les sorciers qui troublent. Il n'y a pas que Satan qui trouble. Zamba kole que l'opé maïl. Est-ce que vous savez ça? Zamba kole que l'opé. Tu te dis, Seigneur, tout ça c'est moi. Oui. Tu te maries. Après une année, tu as des jumeaux. Quand les jumeaux arrivent, tu as la nomination, tu deviens ministre en charge de l'économie. Et à peine tu commences, on te dit non. Toi plus ici. Bon, tu vas combiner. Tu seras ministre en charge de l'économie, mais aussi ambassadeur. Tu dis, mais ça ne suffit pas. Et puis quand tu arrives là-bas, l'état de séjour te dit, bon, tel qu'on te voit, on va te donner 10 maisons dans notre pays. Il faut que tu sois à l'aise. J'annonce un temps de multiplication des grâces. Vous savez, Job a connu une multiplication de problèmes. On lui annonce que le bétail est parti. Et puis on lui annonce que les enfants sont morts. Et puis on lui annonce que tout ce qu'il avait est fini. Bisotosa Job. Vous savez pourquoi je dis ça? Jésus a pris sur lui toute l'accumulation des problèmes de Job à la croix. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Il s'est fait péché pour que nous vivions la justice de Dieu. Je prie ce matin que vous développiez la mentalité de vainqueur. Va avec cette force que tu as. Signifie, ne regarde pas à tes moyens. Regarde à celui qui te parle. Même si tu as l'impression que ce n'est pas ça, Dieu est avec toi. Pasteur, comme Moïse est devant l'Éternel à Horeb, n'est-ce pas qu'il a un bâton? Quand il jette le bâton, qu'est-ce qui se passe? Le bâton devient. Même Moïse ne savait pas que son bâton avait un potentiel de devenir autre chose. Beaucoup de gens sont comme Moïse. Ils ont des bâtons, mais ils ne savent pas que ces bâtons-là peuvent devenir autre chose. Et quand ils touchent le bâton, ça devient un serpent. Et quand ils touchent, ça redevient un bâton. Quand il arrive en Égypte, il jette le bâton se transforme en serpent. Les magiciens se moquent. Ils disent, oh, nous aussi on peut faire ça. Et aussi ils jettent. Les bâtons se transforment en serpent. Mais maintenant, comme Satan aime imiter Dieu, qui a déjà vu un faux billet de 80$? Un faux billet de 40$. Faux billet de 40$. Qui a déjà vu un faux billet de 120$? Faux billet de 120$. Qui a déjà vu un faux billet de 100$? Un faux billet de 100$. Un faux billet de 50. Faux billet de 50. Pourquoi il n'y a pas de faux billet de 80$? Parce qu'il n'y a jamais de vrai billet de 80$. Pourquoi il y a un faux billet de 100$? Parce qu'il y a un vrai billet de 100. À chaque fois que vous voyez un faux, ne vous plaignez pas. Le faux n'existe pas par lui-même. Le faux vient imiter un vrai. Si vous voyez un faux miracle, il existe un vrai. Si vous voyez de faux serviteurs, il existe des vrais. Changez la mentalité. Même si le bâton de magicien se transforme en serpent, il y a un bâton original qui a avalé. Le bâton de Moïse a avalé. Voici la bonne nouvelle. Je parle comme un prophète. D'ici 2 semaines, nous allons avaler le faux. Tu vas avaler. Si dans ta famille il y a des mauvais esprits, ils seront engloutis. Si dans ton entreprise il y a quelqu'un qui avale les étoiles, il sera lui-même avalé. S'il y a quelqu'un qui établit une limite pour dire, ici c'est moi qui règne, je suis venu vous dire, ici c'est Jésus qui règne. Il n'y a que Jésus qui fera la loi. Mon serviteur montera. Pasteur, je sens une onction ce matin. Je vois des hommes monter. Pendant que je prêche, je vois comme des escaliers. Je suis venu vous dire, Moulima 30, c'est un rendez-vous sur la montagne. Et Dieu va vous faire monter. Dieu va vous faire monter. Changez votre mentalité. Est-ce que vous savez que Moïse était dans le désert quand il faisait paître les troupeaux de son père? Lisez bien la Bible. Quand il faisait paître les troupeaux de Jéthro, plutôt son beau-père. Et puis, quand il vient derrière, derrière le désert, c'est là qu'il se retrouve à Horeb, la montagne de Dieu. Et c'est là qu'il voit le puissant en feu. Et c'est là qu'il a la visitation de son appel. Horeb, le lieu de la révélation. Horeb, le lieu de la visitation se trouve derrière le désert. Est-ce que je peux répondre ça? Horeb, le lieu de la révélation se trouve derrière le désert. Le désert, c'est quoi? Difficulté, problème, maladie, tout ce que vous connaissez. Mais faites attention. Chaque désert a un côté en face derrière. Derrière le désert, il y a Horeb. Derrière votre maladie, il y a une visitation. Derrière votre problème, c'est comme ça qu'il faut faire la lecture. Quand vous avez la mentalité de vainqueur, chaque pièce de votre destinée a deux faces. Il y a la face désert et il y a la face révélation. Il y a la face désert et il y a la face visitation. De vos pires déserts, Dieu a caché vos grandes visitations. De vos pires moments de difficulté, Dieu a caché vos plus grands témoignages. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Faute de temps, je vais m'arrêter là. Il y a deux autres dimensions. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais je vais juste finir la dimension mentale. La troisième chose, et peut-être la plus importante, et c'est là aussi que beaucoup échouent. Je finis dans 10 minutes. Est-ce qu'on peut, on sait avoir l'image, non? Hein? On sait avoir la vidéo? Donnez-moi la vidéo de cet enfant. Quelle vidéo que vous avez? Ça va avec la force que tu as. Il n'y avait personne à côté. Il est petit. C'est notre Gédéon. La tâche est grande. Personne ne l'a bougé. Mais il a développé la mentalité des vainqueurs. Il a dit, je peux le faire. Frère, lorsque vous avez des difficultés, que personne ne vous intimide. Que personne ne vous dise que c'est impossible. Que personne ne vous dise que ça, vous n'arriverez pas. Papa, ça commence toujours par quelqu'un. Il y a des gens qui vous diront, dans cette entreprise, ça fait 20 ans, on n'a jamais atteint ces chiffres. Dans cette famille, ça fait 10 ans, on n'a jamais fait ça. Frère, toute chose dans la vie doit commencer. Genèse 1:1, il n'y avait rien. Et puis Dieu dit, créons. Au commencement, Dieu créa. Ça veut dire, dans la vie, tout ce qui existe a commencé quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on parle d'Apple, on parle d'Amazon, comme des grandes entreprises, avec des chiffres d'affaires impressionnants. Ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont commencé quelque part. Le problème, c'est quoi? C'est que nous voulons que le début ressemble à la fin. Le début ne peut pas ressembler à la fin. Le début est faible, mais la fin est glorieuse. Commencez! Il y a des gens ici qui ne sont pas appelés à continuer. D'autres sont appelés à continuer. L'entreprise existe déjà, tu améliores. D'autres aussi sont appelés à commencer. Ce matin, je l'ai senti. Il y a des gens qui vont commencer de nouvelles entreprises ici. Des nouvelles extensions ici. Un nouveau ministère. Chorale. Ça fait trois fois que je parle avec vous. Vous pouvez commencer de nouvelles choses. Chanter des cantiques nouveaux. Qui vous dit que tout ce qui doit être chanté a déjà été chanté? Je suis venu vous dire, dans les jours qui viennent, si vous allez chanter 5 chansons, que 2 soient des chansons interprétées, que 3 soient vos propres chansons. J'ai pensé que je parlais à la chorale. Je parle à un ingénieur. Commence cette entreprise. Je parle à un patron ici. Commence cette banque. Commencez. Tout dans la vie commence. Ce micro a commencé dans la tête de quelqu'un. Ce bâtiment a commencé parce que quelqu'un a réfléchi. Hier, on était avec papa. Il nous a donné un puissant témoignage. Notre extension qu'on est en train de construire de l'autre côté. Mais les pasteurs, dans ce coin, il n'y a pas d'église. J'ai aimé ça. Et j'ai senti qu'on doit mettre quelque chose ici. Parce qu'à cet emplacement-là, c'est la porte de l'Ikasi. Vous devez savoir que chaque ville a une porte. Et les portes de la ville, on ne les laisse pas aux sorciers. Les portes de la ville, on ne les laisse pas aux occultistes. Boaz a siégé à la porte de Bethléem. Jacob dormait à Bethel. Il ne savait pas que c'était la porte des cieux. Il y a des endroits dans la ville qui sont comme des points de contact avec le ciel. Et je bénis déjà cette extension. Je ne sais pas qui sera établi là-bas, mais je prie le Seigneur qu'il comprenne qu'il est à la porte de la ville. Que Dieu fasse prospérer ce travail. Commencez! Commencez! Quand il va avec la force que tu as, découvre en toi une force qui peut te permettre de commencer quelque chose. Vous n'allez pas finir votre vie seulement en travaillant pour quelqu'un. Découvrez en vous une force qui peut commencer quelque chose. Frère, tu peux commencer à vendre quelque chose et tu as l'exclusivité. Tu peux commencer ça. Maintenant, troisième chose et je vais finir. Se fortifier signifie développer la mentalité de l'action. Quand on dit fortifie-toi, on ne dit pas réfléchir. Il y a une différence entre réflexion et action. Mouli Matrante n'est pas un temps de réflexion. Mouli Matrante est un temps d'action. Ce thème ne suggère pas une réflexion. Quand on dit va, on ne dit pas assieds-toi et réfléchis. Beaucoup de gens réfléchissent là où il faut agir. Et c'était le problème de Ruben. Dans Juges chapitre 5, quand Déborah compose un cantique, il parle de tous les fils. Il dit un certain nombre de choses. Il dit les princes d'Issachar furent avec Déborah. Issachar s'est mis en action. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Issachar, quand il entend que Israël est troublé, parce que le contexte montre que il y avait Sisera qui s'est levé contre Israël. Déborah aussi s'est levée comme une prophétesse. Elle mobilise l'armée sous la direction d'un certain Barak. On lance l'appel dans toutes les tribus. Chaque tribu devait mobiliser des militaires, des soldats, des hommes, des guerriers pour aller aider Israël. Et les princes d'Issachar, quand ils ont reçu l'appel, immédiatement ils ont suivi Barak. Ils furent envoyés dans la vallée. Issachar s'est différencié par sa capacité à agir. Maintenant écoutez ce qui est dit sur Ruben. Parce que ça m'a fait mal. Et il y a beaucoup de Rubénites dans les églises. Là où Issachar s'élève pour agir, écoutez ce que Ruben a fait. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Est-ce qu'on a besoin des résolutions du cœur ou de l'action? Israël est en danger. Issachar va dans la vallée. Mais Ruben, près du ruisseau, il a mis en place un comité de réflexion, conseil des sages. Au lieu d'aller au front, ils ont commencé à délibérer. Ils ont commencé à résoudre macro-stratégie, macro-économie, géostratégique. Est-ce qu'il faut aller? Donner d'abord la carte. Est-ce qu'on a l'armement nécessaire? Le temps n'est pas aux études. Le temps est à l'action. Je vais vous donner une image. Papa, un jour un savant était avec un pêcheur dans une pirogue. Il devait traverser de l'autre côté. Et puis pendant qu'ils allaient, l'eau était encore calme. Les savants disent à notre ami pêcheur, mon ami, est-ce que tu connais la loi d'Archimède? Tout corps plongé dans l'eau, ça c'est des lois physiques. Les pêcheurs disent, Archimède, les savants lui disent, est-ce que tu connais la loi de la gravitation? Je ne connais pas. Il dit, est-ce que tu connais la loi de Boy Mariotte? Les pêcheurs disent, je ne connais pas ça. Et puis quand ils arrivent au milieu de la rivière, il y a des vagues. La pirogue commence à chavirer. Les pêcheurs se retournent vers les savants, ils lui posent la question. Maintenant. Mais c'est les savants. Est-ce que tu sais nager? Le savant dit non. Alors le pêcheur lui dit, appelle Archimède qu'il vienne t'aider parce qu'on va couler. Moi je ne connais pas les lois physiques, mais je sais comment on nage parce que depuis le village je savais nager. Vous savez ce qui s'est passé? Le savant est mort avec toutes ses théories et le pêcheur a été sauvé avec sa pratique. Voici ce que j'aimerais vous dire. Connaître les choses ne sert à rien si on ne les met pas en pratique. Avoir beaucoup de théories, avoir beaucoup de réflexions ne sert à rien si vous n'agissez pas. Je préfère ne pas beaucoup savoir, mais agir en conséquence. Je suis venu vous dire, Moulima, c'est le temps de l'action. Après Moulima, allez chercher du travail. Perfectionnez votre anglais. Commencez ce qui doit commencer. Risquez avec Dieu. Va avec cette force que tu as. Ce n'est pas à la maison, c'est dehors. Sortez, manifestez vos actions. Papa Eric, un homme affamé mange. Un homme affamé n'a pas besoin qu'on lui enseigne la nutrition. Oh, la composition du foufou. Voilà, si tu manges le foufou, ça va se passer comme ça. Dans la chenille, il y a ça. Arrêtez de m'enseigner d'abord. Donnez-moi, je vais manger. Un homme affamé mange. Même s'il ne connaît pas la composition chimique de la nourriture. Hier, on a mangé les ndakala, n'est-ce pas? Avec le boukari. Dur comme j'aime. Est-ce que je connais la formule chimique? Quand j'ai faim, je n'ai pas besoin de ça. La théorie après, l'action d'abord. Est-ce que vous savez que l'homme que Jésus guérit à Bethesda ne connaissait pas Jésus? Papa Eric, Jésus se présente à lui, il dit, que veux-tu que je fasse? Ce monsieur a fait 38 ans là à Bethesda, le doyen de la faculté des malades. Jésus l'est guéri. Et puis quand il est guéri, on vient lui poser la question. Rends gloire à Dieu. Comment tu prends ton lit? Il dit, c'est pas moi. Vous savez que moi j'ai toujours été ici. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui m'a dit, prends ton lit et marche. Frère, c'est pas toi, c'est celui qui va te visiter. C'est pas toi, c'est pas toi. Si quelqu'un vient te poser la question, toi tu es ici comment? Comment tu occupes ces chiens? Comment tu es devenu? Dis-lui, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas... Comment tu es devenu ministre? Dis-lui, c'est pas moi, c'est pas moi. Comment tu es guéri? C'est pas moi. C'est lui qui m'a guéri. M'a dit, prends ton lit et marche. Maintenant, on lui pose la question, qui est l'homme qui t'a guéri? Le verset 13 dit, cet homme ne connaissait même pas Jésus. Mais comment il a exécuté? Comment il s'est mis en action alors qu'il ne connaissait même pas? Frère, Navi Bameka Kaka. Dis-le à ton voisin. La vie, Bamekaka, Pimako, en swahili ça se dit comment? Pimako, Pimako, Pimako, hein? Pimako, Pimako, Pimako, Pimako, Pimako, Pimako, Pimako, Pimako, Pimako, Pimako, Pimako, Pimako, Pimako, Pimako, J'ai un de mes fils, un jour, il est venu me voir. Il était amoureux d'une sœur. Mais dit, papa, j'aime cette sœur. Je ne sais pas comment faire. Je lui dis, oh. Mais va lui parler, comment tu veux ça? Tu as déjà fini les études. Va lui parler. Papa, le petit me dit, pasteur, bonsoir, Boy. Comment je vais faire? Mais je lui dis, mais déjà, vous n'êtes pas ensemble. Donc, si elle refuse, tu ne perds rien. Tu retournes à la case de départ. Parce que vous n'êtes pas ensemble. Mais Mekana nous. Meka. Bimako. Meka. Je suis venu dire à quelqu'un, agis. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, au moins tu auras une expérience. Au moins tu auras essayé. Je prie après Moulima 30 que quelqu'un ose, risque, va, jette-toi. On dit à Naaman, Élisée lui dit, jette-toi. Lui dit, oh non. Comment tu me demandes quelque chose de simple? Le problème avec nous, c'est ça. Nous aimons des choses compliquées. On dit à Naaman, jette-toi. Écoutez Naaman. Il dit, oh non. Moi, je pensais que lui-même sortirait vers moi. Il allait dire des paroles, il allait faire des choses. C'est comme beaucoup. Simplement, on vous voulez que je commence à tomber, à me rouler par terre? Et puis pendant que je suis en train de faire ça, il y a une maman au coin qui va se lever. Dieu est ici. Et puis le frère qui va prendre les claviers en matississant. Et puis qu'il te baby. Et on dit que non, Dieu était là. Non, Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu est dans la simplicité de l'action. Papa, je pense que la foi est à la fois la chose la plus simple mais aussi la plus compliquée. Ce qui rend la foi compliquée, c'est vraiment sa simplicité. On dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah, donc pour voir la gloire de Dieu, il faut seulement croire. C'est tellement simple qu'on ne veut pas accepter. Mais si on disait aux gens, pour voir la gloire de Dieu, il faut faire ça pendant 50 ans. Les gens sont prêts à faire ce qui est difficile. Les choses de Dieu sont simples. C'est pourquoi moi je n'aime pas les enseignements compliqués. Les enseignements de Dieu sont simples. Ce qui est compliqué, on commence à démystifier les diables. Oh Satan, déjà compliqué. Yes, Alobi, si tu crois, car quiconque croira sera sauvé. Et un angot simple. Je vais vous poser une question, répondez-moi. Je vais savoir qui est intelligent. 1 plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale. Albert, 1 plus 1 égale combien? Oumani, à comment nous croyons pour ça, les gars, piégez-nous. 1 plus 1 égale 2. Et un angle simple. Zamba piège à Rabbi Soté. Dieu n'est pas comme un professeur qui commence à vous piéger. Non, Dieu n'est pas comme ça. Du début à la fin, Dieu vous dit ce qu'il faut faire. Une autre question. Celui qui est intelligent va me répondre. Comment vous pouvez mettre un éléphant dans un frigo? Oui. Oumoni. Non. Moi, je ne vous ai pas demandé de découper. Comment mettre un éléphant dans un frigo? Qu'est-ce qu'on fait pour mettre quelque chose dans un frigo? On ouvre le frigo et puis on le met. Le reste, ce n'est pas votre problème. Découpez là, ça c'est Dieu. C'est ce qui se passe. On vous demande de mettre un éléphant dans un frigo. Vous regardez, ah c'est impossible. L'éléphant est grand, il faut que je le coupe. Comment cela se fera? Le découpage, c'est Dieu. L'obéissance, c'est vous. Laissez Dieu découper l'éléphant. Vous faites ce qu'on vous dit. On vous dit, mettez. Imaginez ce matin. Dieu me dit, pasteur Trésor, mange ce micro. Le problème, c'est que quand Dieu dit, au lieu de faire, nous commençons à regarder ce que Dieu a dit par rapport à notre logique. Est-ce que va lire qu'un micro? Oh, non, on a un micro, mais nous avons un micro. Dieu voit bien. Dieu voit mieux. Quand Dieu vous dit, agissez. Quand Dieu vous dit, marchez devant la mer. Pendant que vous mettez le pied, la mer elle-même va céder. Agissez. Agissez. La dernière chose que j'aimerais vous dire, la foi est faite de trois choses. Trois facteurs de la foi. Le premier facteur de la foi, c'est connaître. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Sans connaissance, la foi est vide. La foi doit s'appuyer sur la parole. Mais au-delà de la connaissance, il y a un deuxième facteur de la foi. C'est la confiance. La confiance, comme je vous ai dit, c'est s'appuyer sur quelqu'un qui est sûr. C'est s'appuyer sur un rocher. Mais la troisième chose, troisième facteur de la foi, au-delà de connaître, au-delà de se confier, il faut agir maintenant. Et c'est là où beaucoup échouent. Agir maintenant. Mettez-vous à la place de Gédéon. On dit va avec la force que tu as. On ne dit pas réfléchis. On ne dit pas commence à faire. On dit maintenant. La foi c'est ici et maintenant. Ce que je vous dis, ce n'est pas à faire demain. L'enseignement que je vous donne, c'est déjà maintenant. Normalement, pendant que tu suis ce culte, à côté du message, tu dois déjà avoir un bloc-notes pour commencer à mettre les actions que tu vas poser. Déjà cet après-midi, quelqu'un doit déjà dire, après cette réunion, à 15h, je vais déjà faire un plan. Je vais déjà faire un projet. Je vais déjà appeler telle personne. Ce message, ce n'est pas pour demain. Aujourd'hui, la foi, c'est maintenant. Un jeune homme, j'ai lu ça dans un roman. Il était amoureux d'une fille, mais il n'arrivait pas à parler. L'esprit était bien disposé, mais les mâchoires étaient en panne. Il disait, c'était toujours demain. Demain. La jeune fille allait à l'école tous les jours. Lui, il était au balcon. Quand il regardait, il voyait la jeune fille passer. Il voulait descendre. Et puis il dit non. Je ferai demain. Demain. Demain. Demain. Et puis un autre jour, quand il vient sur le balcon, la jeune fille ne passe pas. Il dit peut-être qu'ils sont en vacances. Il attend le mois passé. La jeune fille ne passe pas. Il ne passe pas. Et lui-même dit, jusqu'au jour où j'écris la dernière phrase de ce livre, j'ai 80 ans. Je n'ai plus jamais vu la fille. Et le titre du roman, c'est La Passante. La Passante. La Passante, celle qui passait. Au moins, il y a commis un roman. Même la jeune fille ne sait pas. Peut-être qu'elle va lire le roman sans savoir qu'on parle d'elle. Ne ratez jamais les occasions. Si ça doit être fait maintenant, que ce soit fait. J'ai semé, Apollos a arrosé, Dieu fait croître. Les résultats, c'est Dieu. L'action, ça dépend de nous. Quelqu'un a dit, priez comme si tout dépendait de vous. Priez comme si tout dépendait de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter la chorale. Je vais prier avec des gens qui veulent agir. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas quel projet tu as. Mais ce matin, tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Va avec la force que tu as, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un sujet de réflexion. C'est un ordre. Va. C'est un impératif. Et lorsque Dieu donne l'ordre, nous devons agir. Quelqu'un doit agir maintenant. Si tu es là, tu veux dire, prie avec moi, pasteur. Je veux agir. Je sens que c'est le temps d'action. Lève-toi, je veux prier. Et je veux aussi prier pour des gens qui sentent qu'ils doivent commencer des choses. Commencer de nouvelles choses. Tu sens que tu dois amener un nouveau vent dans ton entreprise. Tu dois amener un nouveau vent dans ton département. Tu dois amener un nouveau vent dans ta famille. Et même dans cette ville, tu sens au plus profond de toi que quelque chose doit se passer. Je vais prier pour toi afin que Dieu te donne la capacité d'agir. Je ne sais pas quel cantique la chorale va nous donner, mais j'aimerais qu'on commence déjà à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu: Seigneur, me voici. Me voici. Comme Gédéon. Comme Gédéon. Comme Gédéon. Comme Gédéon. Pas demain, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Oh, ici et maintenant. À Dieu. J'ai à cœur de prier ici avant de laisser le micro. Je le vois dans mon esprit, il y a plusieurs parmi nous qui sont à la porte de nouvelles choses. D'autres ont déjà commencé. Nouveau travail, nouveau poste, nouvel emplacement pour ton business. Tu as déjà cette nouvelle chose. Mais tu sens aussi que quelque chose de nouveau doit se faire. Je vais prier avec ces personnes. Si vous êtes là, levez simplement la main. Shalabro, site lebus. Site la masi. Shita la mandarabus. Yena la masi kalabus. Le Dieu des esprits de prophètes. Seigneur, je te présente ce peuple, tes serviteurs, chacun dans un aspect particulier de sa vie. Merci pour les nouvelles choses qui arrivent. Quelqu'un est à l'aube d'une nouvelle saison. Quelqu'un est à l'aube d'une nouvelle opportunité. Père, je prie et je déclare que ça ne ratera pas. Ce contrat, il le signera. Ce poste, il l'aura et il l'occupera. Cette maison, il la construira. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a même quelqu'un ici que je vois qui est en train de connaître une mutation. Je suis en train de voir comme une sorte de redirection. Je suis en train de voir quelqu'un partir vers Lubumbashi et un autre partir vers Kolwezi. Seigneur, si c'est la nouvelle saison pour quelqu'un, que cela lui soit accordé. Mais je prie que Moulima 30 soit un rendez-vous d'affectation, soit un rendez-vous de direction, que ça soit un rendez-vous où nous allons vivre le maintenant de Dieu. Père, merci pour cette semaine que nous achevons aujourd'hui. Il t'a plu de nous parler. Je prie, Seigneur, que la grâce localise une famille, un homme et une femme. Nous avions parlé de ta part. Merci d'arroser ce temps par des témoignages. Nous avions déclaré Nous avions prophétisé. Merci de faire croître. Et merci de donner à quelqu'un un puissant témoignage. Et je bénis la nouvelle semaine qui commence. Le nouveau mois qui commence. Merci pour cette semaine qui sera encore plus glorieuse. Merci pour les choses que tu vas déposer. Merci pour la puissance qui va se manifester. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Que Dieu vous touche. Que sa main vous localise. Ah, va avec la force que tu as. Fais des exploits. Fais la différence. Car Dieu est avec toi. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Non, tu n'as pas encore bien acclamé. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour ce que Dieu va faire pour toi? Est-ce que tu peux acclamer pour le mois de décembre? Oh, gloire à toi. Oui. J'aimerais que je sens la joie, je sens la célébration. On va donner l'offrande dans une attitude de célébration et de joie. On n'a pas dit qu'il fallait s'asseoir pour célébrer. Nous sommes debout, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Nous donnons l'offrande et ne partez pas, j'ai quelques communiqués à vous donner tantôt là. Nous voulons vraiment louer le Seigneur, vraiment louer. Nous voulons louer le Seigneur et je vous donne les communiqués après. Comboyo ya Yesu Jima. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi un panier. Juste un panier. Je voulais que nous puissions bénir l'homme de Dieu. Déjà cet après-midi, il entre sur Lubumbashi. Et demain sur Kinshasa. Et mais quand vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous partagez la même bénédiction. C'est vraiment une grâce. Dans la vie de rencontrer de bonnes personnes. Souvent je dis là où nous nous réunissons, là où nous nous trouvons, que les bonnes personnes sont devenues très rares. Alors quand vous découvrez une bonne personne, il faut tout faire pour la garder. Parce que les copies nous posent beaucoup de problèmes. Alors j'aimerais de tout cœur que tu puisses, que nous puissions bénir le pasteur Trésor. Pasteur Trésor. Et après nous allons prier pour lui, bénir son ministère, bénir l'église de Kitambo. La maison de la miséricorde. et que Dieu puisse faire grâce davantage dans son ministère et dans sa vie. Alors, pendant que la chorale nous accompagne, j'aimerais que nous puissions, tu t'élèves là où tu es, tu bénis le pasteur. Si tu as préparé un cadeau, j'avais dit, celui qui a senti dans son cœur, vous pouvez bénir, vous venez me le donner et nous voulons ensemble bénir l'homme de Dieu. La chorale nous accompagne pendant que nous bénissons l'homme. Je vais inviter le pasteur Trésor ici devant. Pasteur, on va prier pour lui et on va prier pour son église, pour son ministère. J'ai été richement béni. Nous allons tous lever nos mains vers lui et nous allons prononcer des paroles de bénédiction qui vont accompagner sa vie et son ministère. Élève ta voix. Élève ta voix. Seigneur, nous bénissons ton serviteur. Il venait d'un grand travail. À cause de toi, il est venu jusqu'en ces lieux pour nous annoncer tes oracles. Je bénis sa vie. Je m'associe à toute l'église. Je bénis sa maison. Je bénis son ministère. Toutes les fois que quelqu'un passe en ces lieux, Seigneur, qu'une nouvelle dimension commence. Touche son ministère et l'accompagne. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. La santé bonne. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Amen. Amen. Je voulais donner quelque chose au pasteur. Nous nous asseyons. Ça, c'est le cadeau de l'église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Je voulais donner quelques communiqués. Napenda kuleta matangazo chache. Mais d'abord, je voulais dire que hier, on a eu des bons enseignements. Jana tulipata mafundisho nzuri. Chaque samedi, nous avons un masterclass. Kila posho tunakuwa kuna shule. De 9h à 11h. Mais c'est à 9h pas qu'à 11h. Mais le samedi prochain, nous commencerons plus tôt. Samedi, il n'a aucun tout temps. Commencerons à 8h30. Tu as quoi pendant ça à 8h30? De 8h30 à 11h. Ça à 8h30, pas qu'à 11h. Et c'est l'apôtre Hippolyte qui arrive demain. L'apôtre Hippolyte a tafika kesho. Qui va donner cette masterclass. Ula taweza kufundisha ko muposho. Hier, c'était sur ouvrier de Dieu. Et on nous a enseigné des choses qui vont nous aider dans la vie. Et à l'issue de cette masterclass, donc c'est des modules et nous donnerons les certificats de participation aux gens qui assistent à cette classe. Faute de temps, je vais juste donner à quelques-uns comme prototype. Dieu travaille toujours avec les prototypes. Alors, nous donnons quelques-uns, mais sinon pour tous les autres, chacun aura son certificat. Il y a le frère Eloge Ngoï. Tu t'appelles Eloge Ngoï. Qui a assisté, qui reçoit son certificat de participation. Vous pouvez lui donner. Fatouma Amnazo. Fatouma Amnazo. Est-ce qu'elle est là? Vous pouvez garder pour elle. Miki Ndala qui a assisté aussi, vous pouvez donner à maman Miki qui va garder aussi. La soeur Chouchou Kavoul, elle est où? Je l'ai vue. Elle a assisté aussi hier. Nous pouvons encourager. La soeur Chati Kanama. Ah, c'est elle. La soeur Viviane Maloba, j'espère que c'est la soeur. Elle est là, Viviane Maloba, qui a assisté aussi à cette masterclass. Je ne sais pas, frère ou sœur, Andrea Kalong. Andrea Kalong. Elle est là aussi. Tu donnes aussi à Andrea. Et, attends, Mamira Lupeto. Mamira Lupeto. Lupeto, ah bon? Deborah Moseka. Deborah Moussea. Et Anto Ngoya. Et maman, vous appelez Mamira. Hein? Deborah et maman Anto Ngoya. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc chaque samedi, nous avons une classe. Qu'il empêche et à l'issue de cette classe, nous donnons les certificats de participation. Voilà comment nous allons nous organiser. Donc demain, l'apôtre Hippolyte y commence. Soyons là à 16h30. Il arrive déjà demain à midi. Et le soir, il commence déjà le travail. Jusque dimanche. Mais vendredi, nous aurons une masterclass avec lui. Et les autres détails, je pense que demain, nous serons en mesure de les donner après. Nous avons un enfant présenté au Seigneur. Amina Morisho. Les parents, c'est Morisho Katebe Safi. Azazi Morisho Katebe Safi. Et Maman Jolie. Maman Julie. Ok. Le chef secteur. Maman, le chef secteur, c'est qui? C'est quel secteur? Ah, Maître Olivier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman Lorraine va nous aider à prendre l'enfant. C'est comme ça maintenant, maman secteur, papa secteur, ils s'associent, on présente le bébé. Son mari est où? Papa Katou. Oh, viens, viens, viens. Comment on va appeler? Merci, maître. Donc, nous allons prier pour bébé Amina. C'est ça le nom? Amina, oui. Du bébé? Amina. Ok. On va prier pour bébé Amina. Tout à mon bien, Toto Amina. Élevons nos voix. Nous prions pour ce bébé. Que Dieu puisse veiller sur l'enfant. Nous le recommandons la grâce divine. Et que la main de Dieu soit sur lui. Nous ne baptisons pas les petits enfants. Nous prions pour eux. Pour que le Seigneur les garde. Et qu'arrivés à l'âge adulte, ils acceptent Christ dans leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te présentons Amina. C'est une grâce non seulement pour la famille, mais pour l'Église et pour ce monde. Nous sanctifions son nom. Nous proclamons le nom de Jésus sur lui. Nous bénissons son avenir, sa jeunesse, sa majorité, et nous prions que sa destinée se réalise conformément à ta volonté. Nous le mettons à l'ombre de tes ailes. Nous prions pour les parents qui ne manque de rien, que tu pourvoies à tout ce qu'il faut pour l'éducation, la croissance, la formation de cet enfant. Merci Seigneur. Nous pensons à toutes les mamans qui attendent famille, même à celles qui désirent avoir des enfants. Que ta grâce se souvienne de chacun d'eux. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, comme d'habitude, on n'a toujours pas l'occasion d'aller visiter les gens à l'hôpital. Mais nous pouvons participer à cette bénédiction. Alors nous donnons notre... Chacun va donner une offrande. Pour que la maman puisse acheter quelque chose pour ce bébé. Et que tu participes aussi à cette bénédiction. Que tu sèmes aussi pour tes enfants. Les enfants de tes enfants. La chorale nous accompagne pendant que nous offrons quelque chose. Ofanda pembeni na yo, yangonde makasi nanga, na yo kaka mbongo na yo, yangonde sengo nanga. Ofanda pembeni papa, yangonde makasi nanga, ayo kaka mbongo na yo, yangonde se, ofanda pembeni, ofanda pembeni, yangonde makasi, yangonde makasi, ayo kaka mbongo na yo, ayo kaka mbongo, yangonde se ngolenga, yangonde se. Ofanda pembeni, ofanda pembeni na yo, yangonde makasi nanga, na yo kaka mbongo na yo, yangonde sengo nanga. Seigneur, merci, nous bénissons tout celui qui a levé sa main pour bénir cet enfant. Souviens-toi de son acte de solidarité et de libéralité. Que tu sois béni dans sa vie, au milieu de ses enfants, au nom de Jésus. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Aujourd'hui, nous terminons la première semaine de Moulima. Il nous reste encore 4 semaines. C'est ça, 4 semaines. Et on nous a dit aujourd'hui que c'est un temps d'action maintenant. Ne termine pas ce Moulima sans prendre des décisions d'agir dans ta vie. C'est la mentalité qui change. Et on passe à l'action. Tout est possible dans la vie. Alléluia. Amen. Tout est possible dans la vie. Alors ma prière, dans cette église, nous puissions nous lever. Si je dis nous, c'est que chacun de nous là, il agit, il s'élève. Tu mets cette parole en pratique. Et tu verras comment Dieu va changer ta vie. Prends des décisions écrites. Aie et l'habitude d'écrire. En tout cas, s'il y a un mois où j'écris plus des choses personnelles, c'est le mois de décembre. Comme je ne travaille pas, j'écoute, j'écris. Et le matin, je récapitule, j'écris ce qui me concerne. Je prie pour l'Église, je prie pour moi-même. Fais ça dans ta vie. Tu verras comment Dieu va faire des choses. Donc nous nous retrouvons ici demain à 16h30 pour démarrer la deuxième semaine. Samedi à 8h30, nous avons notre masterclass. Nous terminons à 11h. À 11h, il y a les diaconesses de toutes les églises qui se réunissent ici de 11h à 14h. Et le soir, samedi, le samedi prochain sera chargé. Nous allons aussi parler au couple. Au couple samedi. Donc samedi, ça sera un jour waouh. Alors les couples de toutes nos églises sources fécondes. Samedi, nous avons un rendez-vous le soir. Ça sera dans une ambiance détendu et comme d'habitude on travaille avec les couples. Voilà le programme de samedi et nous voulons que vous soyez présents. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre, c'est très important. Voilà tous les communiqués. Nous nous tenons debout. Tiens-toi debout. J'aimerais que tu remercies le Seigneur. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci à ce Dieu qui t'a gardé pendant toute la semaine. Dis merci à ce Dieu qui t'a introduit dans le mois qui vient. Dis merci à Dieu qui t'a gardé pendant 11 mois sur 12 déjà. Oh, il est merveilleux. Et nous bénissons son nom. Père, merci pour tout ce que tu as réalisé pendant tout ce temps. Merci pour la parole de ce matin. Merci pour la parole de ce matin. Nous t'écoutons. Nous te faisons confiance et nous agissons parce que toi tu vas accomplir ce que tu as dit. Seigneur, merci parce que tu veux que notre mentalité soit changée, soit transformée. Tu nous donnes une mentalité de vainqueur et le vainqueur il va, c'est pour vaincre, comme tu nous dis dans Apocalypse. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je bénis ton peuple, que je le commande entre tes mains. Que ta grâce soit sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end et bon dimanche.